choix. Et bientôt dans la soie funèbre, on se perdra de vue. Je laisserai un vide, mais j'étais fait de ça. Témoin hagard d'une vie, je vois passer les leurs. Les promesses de paradis, rien que des plumes dans la bouche. Aucun marchand de rêve ne me fera oublier qu'en enfer il faut forger une lame d'acier, souvent trempée de larmes. Il ne suffira pas de saigner pour mourir de là, sortir de ce qui nous retient. Tiens.